troisième séance de révision intensive du bac 2018. Après deux jours de SVT, on passe à la chimie aujourd'hui avec un sujet qui tombe systématiquement chaque année, un incontournable: structure et transformation de la matière. Comment représenter spatialement les molécules? Quels sont les grands groupes et familles en chimie organique? Comment faire le lien entre le nom d'une molécule et sa structure? On fait le tour des questions qui posent problème et on applique ça immédiatement avec des exercices pratiques pour être sûr de décrocher votre bac S mention France Culture. Révision chimie, structure et transformation de la matière, c'est le programme qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tout comprendre à la chiralité et à la stéréoisomérie, nos deux répétiteurs du jour sont Marie-Lie Béoutis, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé au lycée Le Corbusier à Poissy, membre du bureau de l'Union des professeurs de physique et de chimie d'Île-de-France. Bonjour Frédy Minck. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé au lycée Galilée de Gennevilliers et au Palais de la Découverte. Et comme hier, nous avons le plaisir d'accueillir ici au studio 106 de la Maison de la Radio les classes de Terminale S du lycée Notre-Dame à Sannois et du lycée Jacques Prévert de Boulogne-Billancourt qui ne manqueront pas de vous poser tout à l'heure des questions implacables auxquelles vous n'aurez évidemment pas la réponse exacte, ou hein, vous allez essayer quand même. Bon, bref, vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour en direct également sur notre fil Twitter en vous abonnant au compte @laméthodefc. Alors pour commencer, eh bien la même question qu'à vos prédécesseurs en SVT sur cette partie précise du programme structure et transformation de la matière, c'est, je le disais à l'instant, un incontournable hein, de la chimie, une épreuve qui tombe quasiment tous les ans. Ça veut dire que c'est vraiment la partie du programme sur laquelle il ne faut pas faire d'impasse, Frédy Minck? Oui, c'est une partie incontournable parce que de toute façon, les molécules sont représentées. Dans tous les sujets, il y a des dessins de molécules et à un moment donné, il y a la difficulté de comprendre sur une feuille, c'est-à-dire en deux dimensions, des molécules qui sont en fait en trois dimensions. Donc il y a souvent des blocages sur ce qu'on appelle la vision dans l'espace. Et la difficulté des étudiants, c'est d'arriver justement à se représenter les groupements qui sont devant, ceux qui sont derrière. Et il peut y avoir des blocages, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Selon vous, Marie-Lie Béoutis, à quoi faut-il faire particulièrement attention dans cette partie du programme, dans les révisions justement? Alors, ce à quoi il faut particulièrement faire attention, c'est la représentation en trois dimensions. Donc effectivement, les sujets sont imprimés. Généralement, vous avez par exemple la formule topologique d'une molécule. On n'a pas forcément l'habitude de les visualiser en 3D. Et très souvent, dans le cadre du baccalauréat, il y aura une ou deux questions qui vont vous demander de la représenter, de représenter sa forme en trois dimensions. C'est une façon de gagner des points sans trop de difficultés si on est bien préparé. Donc il faut absolument réaliser un schémage soigné et correct. Donc les schémas, ça, on va y revenir hein, sur la clarté des schémas, pas trop petits, pas trop gros, il faut faire évidemment prendre la place qu'il faut. Quelles sont une autre partie peut-être un peu complexe à appréhender, c'est qu'il y a énormément de noms à apprendre, il y a vraiment toute une taxinomie très importante dans ce programme de chimie dans laquelle il ne faut pas se perdre. Oui, la chimie, c'est très vite une langue étrangère et c'est sûr que quelqu'un qui n'a pas révisé ses noms de molécules, la nomenclature, pour lui, le texte est illisible et il va passer à côté. Donc, il y a forcément des mots à connaître et ça permettra, je dirais, déjà de comprendre les questions. En plus de ça, quand on est sur la stéréoisomérie, il y a plein de nuances. On va parler d'énantiomères, de diastéréoisomères, de conformères, donc des mots qui se ressemblent. Et là encore, il faut être très précis sur le vocabulaire. Ça veut dire que pour cette nomenclature, pour bien imprimer, comment il y a des trucs, des fiches, des moyens mnémotechniques, qu'est-ce que vous conseilleriez, Marie-Lie Béoutis? Oui, moi je conseille de faire un tableau. De manière générale, normalement les élèves ont l'habitude de faire des fiches de révision avant le bac. Donc pour chaque chapitre, faire une fiche avec les différentes notions. Ce qui compte, c'est pas tant de retenir les notions, mais de savoir aussi les ordonner entre elles. Savoir faire la différence, par exemple, entre les isomères de constitution, donc qui vont pouvoir être différenciés par leur formule développée, et la stéréoisomérie, où là, c'est la disposition des atomes dans l'espace qui va permettre de différencier les molécules entre elles. Un mot peut-être pour conclure cette introduction sur les principales attentes des correcteurs sur une épreuve de chimie. Qu'est-ce qu'on attend principalement? Quelles sont les qualités qu'on espère trouver dans une bonne copie de chimie, Frédy Minck? La première qualité, de toute façon, ce sera déjà de s'approprier le texte. Les évaluations sont maintenant faites par compétences. Je dirais que on cherche déjà à savoir si l'étudiant est capable de tirer l'information à partir d'un texte qui souvent est assez long. Il faut le lire, il faut souligner les mots importants. Une fois qu'on s'est approprié le texte, il va falloir faire de l'analyse. Ensuite, il y a des réalisations, donc des dessins, donc une écriture qui est évidemment très lisible, surtout sur des molécules, où le fait d'oublier un hydrogène, un petit H, forcément, ça va rendre la molécule fausse. Et puis, voilà, il y a un certain nombre de compétences qu'on attend d'un élève de terminale S. Et pour ça, il faut s'y préparer. À votre avis, les qualités que vous attendez, vous, dans les copies de vos étudiants, dans les bonnes copies? Alors, on attend d'une part une certaine culture scientifique, parce que le but de la terminale S, c'est quand même que les élèves, quelle que soit leur orientation en post-bac, même s'ils choisissent des filières sciences politiques, etc., aient un bagage scientifique qui va les accompagner finalement tout au long de leur vie, hein, même s'ils deviennent journalistes. Voilà, dans le quotidien, c'est important d'avoir quand même une culture scientifique minimale. Donc ça, premièrement. Et deuxièmement, c'est vraiment, comme on est dans une discipline scientifique, c'est vraiment l'apprentissage de la rigueur. C'est-à-dire qu'on préférera toujours une copie, par exemple, où il y a un résultat qui est faux, mais qui est commenté, justifié, et où l'élève s'est rendu compte de son raisonnement, plutôt qu'une copie avec des passages qui sont confus. On a l'impression que l'élève, éventuellement, a essayé de cacher une partie de son raisonnement qui n'est pas correcte. Nous, on défend vraiment l'exactitude scientifique et la rigueur. Grande rigueur, Frédéric, vous confirmez? Ah oui, tout à fait. La démarche scientifique, l'honnêteté intellectuelle. Et c'est vrai qu'on peut arriver à un résultat qui est faux tout à la fin, mais dès l'instant où la démarche a été honnête et a été lisible et visible, à ce moment-là, eh bien, il y a justement des bonifications, ce qui n'était pas le cas avant cette réforme. On va valoriser justement toute la démarche, même si à la fin, le résultat n'est pas juste. Et on reviendra tout à l'heure, dans la dernière partie de cette émission, sur quelques points de méthodologie, quelques conseils vraiment pratiques pour que cette épreuve de chimie, de physique-chimie se déroule bien. Mais pour le moment, on va remonter les manches. On va faire une révision express, structure et transformation de la matière. Alors, on va avoir recours à Twitter pour un grand nombre de schémas, de représentations de molécules que vous puissiez les visualiser chez vous. Mais pour commencer, eh bien, justement, peut-être commençons par ces problèmes de nomenclature qui sont extrêmement complexes. Comment faire pour bien réviser ces nomenclatures et ces éléments de chimie des composés du carbone? Frédéric. Alors, pour la nomenclature, évidemment, les molécules sont nommées. On va s'intéresser à la chaîne carbonée. Dès l'instant où on parle de chimie organique, c'est la chimie du carbone et l'hydrogène. On va repérer la longueur de la chaîne carbonée. Si une chaîne carbonée possède 4 carbones, on aura le préfixe butane. Et ensuite, on va regarder les groupes fonctionnels. Et ces groupes fonctionnels, ça peut être une fonction alcool, c'est-à-dire un groupement OH. Et on va repérer sur quel carbone est fixé le groupement OH. Donc, je dirais pour ordonner, d'abord la chaîne carbonée, ensuite les groupes fonctionnels, et ensuite on va numéroter la position de ces groupes sur la longue chaîne carbonée. Sur cette nomenclature et sur cette chaîne chimie des composés du carbone, Marie de Béotis, comment est-ce qu'on révise, comment est-ce qu'on apprend bien et mémorise ces différentes familles de molécules? Oui, alors là, c'est vraiment essentiellement de la méthode. En nomenclature, la nomenclature peut devenir très difficile sur des molécules complexes, mais au baccalauréat, on ne demandera jamais à des candidats de nommer des molécules trop compliquées. Donc, ce sera toujours des molécules avec une ou deux ramifications. Ce qu'il faut absolument retenir, c'est il faut connaître par cœur les préfixes qui sont issus du grec, qui vont indiquer le nombre de carbones de la chaîne carbonée. Donc, je rappelle, pour un, c'est met, deux, et, met, et, prop, pour quatre, but, pour cinq, pent, 6X, 7 hept, 8 oct. Donc ça, c'est la base, il faut les apprendre par cœur. Et ensuite, à la suite de ce préfixe, on mettra la terminaison, donc an s'il s'agit d'un alcane, n s'il s'agit d'un alcène, ol ou anol pour un alcool, etc. Donc, mais la première chose, c'est d'abord d'apprendre par cœur toute cette série de mots scientifiques. Ce qui va être important pour pouvoir les repérer, surtout pour pouvoir bien comprendre l'énoncé, Frédéric Minck. Oui, tout à fait, parce que là encore, il peut arriver donc des questions du baccalauréat, ce soit de représenter une molécule, on donne uniquement le nom, et si dans la représentation on a faux, forcément la suite, c'est-à-dire la transformation chimique de cette molécule, va donner un produit qui sera faux. Donc on est vraiment sur une langue étrangère, et c'est le béaba, c'est comme un texte d'anglais, si on ne connaît pas le sens des mots, on ne peut pas construire de phrases. Une méthode de révision particulière, par exemple, prendre des molécules ou prendre des noms de molécules et s'entraîner à faire des tests pour vérifier qu'on a bien la bonne chaîne au final, qu'on arrive bien à la transcrire? Oui, c'est ça. En fait, il faut s'entraîner dans les deux sens, c'est-à-dire à la fois à partir du nom à écrire la molécule et de la même manière à partir de la molécule à la nommer. Voilà, à partir d'exercices corrigés, parce qu'il faut toujours évidemment pouvoir vérifier le nom de la molécule en question. par exemple, comme ça, au débeauté, si vous nous donnez un nom d'une chaîne de molécules complexes. Ben, on peut imaginer, par exemple, le 2-méthyl-pentane-3-ol. Voilà, donc une molécule, je dirais, du niveau terminal S. Donc 2-méthyl-pentane-3-ol. Pentane, ça nous donne une chaîne carbonée à 5 carbones. Donc on va fixer 5 carbones les uns à côté des autres. 2-méthyl, ben, sur le carbone numéro 2, vous avez un groupement méthyl. Et comme l'a dit Marylise, méthyl, c'est met, c'est un carbone. Donc c'est un groupement CH3. Et puis pentane-3-ol, sur le carbone numéro 3, eh ben, il y a le ol qui indique que vous avez une fonction alcool, donc un groupement OH. Formidable. On avance dans cette révision des structures et transformations de la matière. Peut-être un mot sur les différentes catégories de réactions qu'il faut bien comprendre pour ces révisions, Marie Béoutis. Oui, alors les trois catégories de réactions les plus importantes à connaître sont réactions d'addition, élimination et substitution. Donc ce sont des réactions de chimie organique qui sont utilisées quotidiennement hein, par les chimistes, que ce soit en recherche, que ce soit dans les laboratoires de production. Donc leur nom parle assez bien. Donc une réaction d'addition, c'est une réaction dans laquelle sur une molécule vont venir s'ajouter des atomes ou des groupes d'atomes sans que des atomes ou des groupes d'atomes soient enlevés. Donc on peut prendre par exemple l'exemple d'un alcène sur lequel on va faire réagir du BR2, donc une molécule de dibrome. Et donc la liaison double de l'alcène va s'ouvrir et on va attacher de chaque côté de la liaison double deux atomes de brome. Donc il s'agit d'une réaction d'addition. Ça c'est pour l'addition. La substitution, Freddy Minck. Alors la substitution, bah, comme son nom l'indique, on va faire réagir deux composés et puis le premier composé va venir prendre la place eh bien, d'un substituant sur le deuxième composé. Par exemple, vous avez un dérivé chloré, donc on peut imaginer le 1-chloropropane, et puis vous avez les ions hydroxyde OH-, et le groupement OH- va prendre la place du chlore. Donc substituer, prendre la place, donc on voit bien qu'il va y avoir un groupement qui vient se positionner à la place d'un autre. Et pour finir, l'élimination. Oui, donc la réaction d'élimination, comme son nom l'indique, on va ôter, enlever des atomes ou des groupes d'atomes à la molécule sans que d'autres soient ajoutés. Donc on peut prendre l'exemple, par exemple, d'un alcool pour lequel on va effectuer ce qui s'appelle une déshydratation. Donc on va enlever un atome d'hydrogène et un groupe hydroxyle OH pour former une liaison double. Donc aucun atome n'a été ajouté et puis trois atomes ont été enlevés. Est-ce qu'on peut prendre deux, trois exemples qui reviennent souvent dans les exercices, par exemple la polymérisation? Pour en dire un mot. Alors la polymérisation, là, on va utiliser donc un monomère, c'est-à-dire une petite molécule qui va réagir sur son identique et qui va former des longues chaînes carbonées. Donc par exemple, on peut imaginer l'éthylène. L'éthylène, c'est l'éthène CH2CH2 qui va réagir sur lui-même pour former une très longue chaîne qu'on appelle le polyéthylène. Donc voilà une réaction à connaître. C'est une famille de réactions qui est incontournable. Je dirais faire l'impasse là-dessus, ce serait une erreur. Donc, important, la polymérisation aussi, hein, peut-être un mot, Marie-Louis Biagoutis. Oui, la polymérisation, c'est une réaction en chaîne, c'est-à-dire c'est une réaction qui va se poursuivre. Donc, par exemple, donc une molécule d'éthène va réagir avec une autre molécule d'éthène, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre un très très grand nombre de monomères qui vont réagir. Donc, c'est-à-dire le polymère va contenir un certain nombre de blocs identiques. Ça peut être des centaines, des milliers pour les polymères qui sont autour de nous. Et il faut savoir que autour de nous, nous sommes entourés d'énormément de polymères, que ce soit dans nos vêtements, toutes les fibres, les textiles scientifiques, que ce soit dans l'ameublement, les polymères font partie de la vie quotidienne. Un mot sur une autre réaction importante et dont on va parler tout à l'heure dans l'exercice pratique, l'hydrogénation. Oui, l'hydrogénation, c'est un cas particulier d'une réaction d'addition. Donc, Marylise tout à l'heure a parlé des alcènes. Donc, les alcènes sont caractérisés par une double liaison carbone-carbone. Et sur un alcène, on peut additionner du dibrome, comme elle l'a dit, mais on peut aussi additionner du dihydrogène, H2. Et donc, l'idée, c'est que les deux atomes d'hydrogène vont se fixer sur les deux carbones de la double liaison. La double liaison, évidemment, va s'ouvrir. Et donc, on va obtenir un alcane. Sur l'hydrogénation, Marylise Béoutis. Oui, alors l'hydrogénation, elle est utilisée dans la vie quotidienne pour les graisses, pour conserver les graisses de façon plus efficace. On a recours à cette hydrogénation et on parle effectivement de matière grasse hydrogénée. On va passer à une autre partie de ce programme. C'est une partie qui est centrale. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Freddy Minck, la représentation spatiale des molécules, ce qui va nous amener à un moment de radio conceptuel, puisqu'on va parler donc de la représentation spatiale en 2D, de molécules en 3D dans un média audio où il n'y a pas d'écrit. Donc je vous souhaite bon courage pour nous expliquer comment s'y prendre pour réviser cette représentation spatiale des molécules. Voilà, donc tout à fait. Là, c'est une vraie difficulté. D'un autre côté, les étudiants s'y sont préparés toute l'année. Sur une feuille, on peut représenter des liaisons en trait simple, donc avec un trait fin. Et puis, dès qu'on veut visualiser un groupement qui se trouve devant nous, eh ben, on va faire un triangle noir. Et si on veut représenter un groupement qui est derrière la feuille, alors à ce moment-là, on va faire un triangle qui est hachuré. Donc, il y a toute une symbolique qui va permettre de donner tout de suite un effet 3D. Donc ça, déjà, c'est le béaba, c'est ce qu'on appelle la représentation de crâne. C'est dans le bulletin officiel, et je dirais que ça, c'est le point de départ. La deuxième chose, c'est que il va y avoir très souvent dans les sujets de bac à repérer ce qu'on appelle les carbones asymétriques. Et le carbone asymétrique, c'est un carbone qui est tétraédrique, donc un carbone entouré par quatre groupements, et il sera asymétrique si ces quatre groupements sont différents. Donc ça aussi, c'est un exercice sur lequel les étudiants doivent absolument s'exercer. Il faut repérer rapidement les carbones asymétriques d'une molécule. Comment est-ce qu'on fait, Marie-Lise Béoutis, pour passer finalement d'une formule plane à une représentation de crâne? Est-ce que là aussi, on s'entraîne? Il faut faire des tests dans les deux sens? Oui, alors a priori, à partir de la formule plane, on ne peut pas connaître avec certitude la représentation en trois dimensions. Généralement, en particulier dans le cas d'un atome avec un carbone asymétrique, si la molécule a un seul carbone asymétrique, il y aura deux possibilités. Dans ce cas, il faut dessiner les deux possibilités qui vont être l'image l'une de l'autre par un miroir. Donc, je rappelle que lorsqu'un carbone a quatre substituants, la géométrie autour de l'atome de carbone est tétraédrique. Donc, il faut placer les quatre substituants dans la forme d'un tétraèdre. Peut-être rappeler, justement, puisque vous commencez à l'évoquer, l'importance du concept de chiralité. Freddy Minck, qui, là aussi, donne du fil à retordre, en général, aux étudiants. Oui, ça donne du fil à retordre. D'un autre côté, souvent, les étudiants pensent que la chiralité, c'est lié à la présence de carbone asymétrique. Et finalement, ce serait uniquement en chimie qu'on aurait de la chiralité. Alors ça, c'est faux, parce que finalement, le mot chiral, ça vient de care, qui veut dire la main. La main est un objet chiral, tout simplement, parce que la main n'est pas un objet qui est symétrique. Si je prends une chaise avec les quatre pieds, la chaise, je peux la couper en deux, on voit bien qu'une chaise, c'est un objet qui est symétrique, on dira que cet objet est achiral. Donc on va mettre le préfixe A. Mais des objets chirales, c'est intéressant aussi de regarder chez soi et de voir que tout ce qui est dissymétrique chez soi, c'est chiral. Par exemple, vous avez une lampe contemporaine avec un effet d'escargot, ben voilà un objet qui est chiral. Et de ça, vous arriverez plus facilement à repérer sur votre feuille les objets qui sont symétriques des objets qui sont dissymétriques. Donc la chiralité, c'est la propriété d'une molécule, la définition est un petit peu ardue, à ne pas être superposable à son image dans un miroir. Mais de manière plus simple, pour repérer qu'un objet est chiral, il faut repérer qu'il est dissymétrique. Sur cette chiralité, Marie-Lise Béoutis? Oui, moi je crois que pour repérer si une molécule est chirale, le plus simple, c'est vraiment sur une feuille de papier le jour du baccalauréat, de dessiner un miroir plan, donc matérialisé par une ligne droite, et puis vous faites l'image de chaque atome à droite de du miroir, et puis ensuite vous retournez la molécule, évidemment, vous la faites tourner sur elle-même et vous comparez les deux molécules. Avec un tout petit peu d'entraînement, on arrive assez bien à les voir dans l'espace. Si les molécules sont identiques, alors à cause de ces symétries, la molécule est achirale. Et si les molécules, effectivement, sont différentes, la molécule est chirale. Pourquoi c'est si important, cette notion de chiralité en chimie, Freddy Minck? Elle est fondamentale parce que le corps humain est capable, justement, de différencier une molécule de son énantiomère. Il est capable de différencier une main droite d'une main gauche. On a au niveau de l'organisme des capteurs qui sont chiro. Et donc, on va savoir distinguer, justement, de manière très très fine, si au niveau de la trois dimensions, un groupement est devant ou il est derrière. De la même manière que si vous avez une clé qui rentre dans une serrure, si vous prenez une clé qui est l'image de la première, elle rentrera pas dans la serrure. Donc nos capteurs sont chiro, et donc ils sont capables de distinguer une main droite d'une main gauche. Autrement dit, les deux énantiomères. Ça va être intéressant. Alors, les énantiomères, on va le redire, hein. Les énantiomères, c'est Marie-Lise Béoutis. Oui, un énantiomère, c'est un couple de deux molécules qui sont images l'une de l'autre par un miroir plan. Et c'est important parce qu'effectivement, dans la chimie carbonée, on va se rendre compte que, en fonction de la chiralité, eh bien, il y a des molécules, notamment en biologie humaine, qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas et qui ne marchent pas du tout, qui n'ont pas les mêmes fonctions en fonction justement de leur chiralité. Oui, exactement. Donc, comme le disait Freddy Minck, toute notre biologie, même à l'échelle cellulaire, est chirale. C'est-à-dire que si on remplace une molécule chirale par son énantiomère, on peut obtenir une molécule qui est toxique. Notre corps ne pourrait pas fonctionner sans la chiralité, en particulier si on pense aux réactions chimiques qui sont générées par l'association entre une protéine et son substrat, avec le rôle particulier des enzymes. Une protéine ne va reconnaître son substrat que si elle a la géométrie adaptée. Et dès qu'on parle de géométrie, alors on comprend que la chiralité prend toute son importance et devient indispensable. Particulièrement sur les acides aminés, entre autres, qui reviennent régulièrement aussi dans les exercices qu'on trouve souvent dans les annales. Oui, tout à fait. Les acides aminés contiennent, à l'exception de la glycine, contiennent au moins un carbone asymétrique. Et donc, dans la nature, vous avez des acides aminés qui sont de la série L. Par exemple, vous avez la L-alanine, vous avez la L-cystéine, etc. Et donc, dès l'instant où vous avez cet acide aminé naturel, eh ben, il a une géométrie. Et cette géométrie, elle est reconnue et elle va permettre justement la synthèse de polypeptides. Et ces polypeptides, lorsque la chaîne est très longue, on les appelle les protéines. Peut-être une autre notion que l'on peut définir et qui pose elle aussi parfois un certain nombre de problèmes, celle de la stéréoisométrie. Vous en parliez tout à l'heure, Freddy Mink. Qu'est-ce que c'est que la stéréoisométrie? De quoi parle-t-on et comment est-ce qu'on peut bien la comprendre et la réviser? Alors la stéréoisomérie, l'idée c'est... L'isomérie, pardon. Oui, la stéréoisomérie, pas de souci. Et c'est en fait un domaine dans lequel on va étudier la représentation du molécule en trois dimensions. Donc, comme disait Marie-Lise tout à l'heure, ce sont plus des, on va plus parler d'isomères de constitution en deux dimensions, on va s'intéresser véritablement à la géométrie en 3D. Et en fait, deux stéréoisomères sont deux molécules qui diffèrent au niveau de leur structure en 3D. Alors, soit, et là on va faire vraiment le tri, soit on peut passer de l'une à l'autre juste en tournant autour de liaisons simples, et on va appeler ça des conformères. Soit pour passer de l'un à l'autre, il faudra rompre des liaisons et reformer d'autres liaisons, et là on parlera de stéréoisomères de configuration. Bien insister sur cette différence entre la conformation et la configuration. Oui, c'est très important parce que des isomères de configuration sont considérés comme des molécules différentes et distinctes. On a vu tout à l'heure qu'une molécule peut être thérapeutique alors que son isomère de configuration, donc dans cet exemple son énantiomère, l'un est thérapeutique et l'autre est chiral. En revanche, les isomères de conformation, c'est une même molécule qui va adopter au cours du temps différentes conformation dans l'espace, c'est-à-dire que, comme l'a dit Freddy, la liaison simple carbone-carbone, contrairement à la liaison double, autorise une rotation des atomes autour d'elle, et donc les atomes peuvent adopter différentes conformations spatiales qui vont être plus ou moins favorables en termes énergétiques. Un mot encore peut-être sur un type particulier de la double liaison carbone, les diastéréoisomères. Oui, donc les diastéréoisomères, là vous parlez de la double liaison, c'est ce qu'on appelle les diastéréoisomères Z et E. Et ces diastéréoisomères, eh bien c'est un cas particulier d'isomères de configuration. Pourquoi? Parce que pour passer d'un diastéréoisomère à l'autre, eh bien il va falloir rompre des liaisons. Donc on voit bien, si on fait un bilan, que la stéréoisomérie, c'est premièrement les stéréoisomères de conformation, deuxièmement les stéréoisomères de configuration. Et dans les stéréoisomères de configuration, vous avez soit les couples d'énantiomères comme les deux mains, soit vous avez des couples de diastéréoisomères, et en particulier, comme vous le dites, les diastéréoisomères ZDE, c'est un cas particulier. Alors, parlons-en de ce cas particulier. Qu'est-ce que c'est que ces diastéréoisomères de configuration Z ou E? Comment est-ce qu'on peut les définir? Alors, donc, on vient de dire qu'autour d'une liaison double, il n'y avait pas de rotation possible. Donc, on peut imaginer dans l'espace la liaison double carbone-carbone et puis deux demi-plans, donc la partie supérieure et la partie inférieure. Et donc, si chaque carbone a par exemple un atome de chlore et un atome d'hydrogène, il y a deux possibilités. On va mettre soit les deux atomes de chlore du même côté de la double liaison. Dans ce cas-là, ils sont ensemble et en allemand, on va dire zusammen. Donc, ce sera l'isomère Z. Ou alors, on peut les mettre du côté opposé à la double liaison, donc un atome de chlore en haut, un atome de chlore en bas par rapport à la double liaison. Dans ce cas-là, on va dire qu'ils sont opposés. En allemand, c'est entgegen, donc ce sera l'isomère E. Quels sont les autres points qui vous semblent importants d'aborder, les points sur lesquels il faut insister, sur lesquels il faut vraiment être solide en termes de révision? Et puis on verra si il y a quelques questions dans la salle de nos classes de terminale S. Freddy Mink. Ce qui est important, c'est justement de s'entraîner sur des exemples précis à repérer si deux molécules sont des conformères, si deux molécules sont des énantiomères ou si deux molécules sont des diastéréoisomères. Donc ça, c'est capital. Il faut absolument que les étudiants s'exercent à voir quel est le lien de stéréosomérie entre les molécules. Et puis la deuxième chose, il faut aussi qu'ils repèrent la chiralité. Certaines molécules sont chirales, d'autres non. Et enfin, qu'ils repèrent où sont placés les carbones asymétriques. À votre avis, Marie-Lise Béoutis, quels sont les éléments importants? Est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels il faut insister pour ces révisions et qu'il faut être bien sûr de bien maîtriser avant d'arriver à l'épreuve? Alors pour la stéréoisomérie, moi je conseille vraiment de faire un tableau parce que on vient d'utiliser au moins une dizaine de termes diastéréisomère, stéréoisomère, énantiomère, conformation, configuration, et c'est très facile d'être confus sur ces notions. Alors certaines incluent les autres, donc il faut absolument avoir un tableau très très clair et connaître sur le bout des doigts toutes ces définitions. Nous avons une question. Bonjour jeune homme. Oui, bonjour. Sur cette partie du programme, quelle est votre question? Je voudrais savoir si combien de nombres de carbones asymétriques il faudrait pour savoir si une molécule est chirale ou non. Qui veut répondre? Frédéric Minck. Oui, je peux répondre, c'est une très bonne question. Alors si une molécule possède un seul carbone asymétrique, nécessairement elle sera chirale. Donc vous voyez que la présence d'un seul carbone asymétrique est forcément liée au fait qu'elle soit chirale. Après, si elle a plus qu'un carbone asymétrique, c'est-à-dire si elle en a deux ou plus, à ce moment-là, il peut y avoir des cas particuliers, la molécule n'est pas forcément chirale. Mais en tout cas, vous devez savoir pour la terminale S qu'avec un seul carbone asymétrique, la molécule est nécessairement chirale. Marie-Lise Béoutis. Oui, alors avec un seul carbone asymétrique, la situation est simple, elle est chirale. Si elle a deux carbones asymétriques, c'est plus compliqué parce qu'il va falloir regarder les symétries de la molécule qui peuvent éventuellement la rendre achirale. Avec plus que deux atomes de carbone asymétrique, je ne pense pas qu'au baccalauréat vous posera des questions si compliquées. Une autre question sur cette partie du programme. Mademoiselle, oui, bonjour. Je voulais vous demander comment représente-t-on les mécanismes réactionnels à l'aide des flèches courbes? Alors, Frédéric Minck, une question. Oui, c'est une très bonne question. Souvent, ça pose difficulté. Il y a, en effet, à un moment donné, lorsqu'on fait réagir une molécule sur une autre, il y a toute une schématique et qui s'appelle la schématique des flèches courbes. Alors, en fait, vous avez des sites qui sont riches en électrons, qu'on va appeler donneurs d'électrons, et des sites qui sont déficients, pauvres en électrons, qu'on appelle accepteurs d'électrons. Et en fait, la nomenclature veut que vous représentez toujours une flèche qui part du donneur d'électrons vers l'accepteur d'électrons. Donc c'est celui qui est riche en électrons qui va aller vers le site qui est pauvre en électrons. Marie-Lise Béoutis, sur ces flèches courbes? Oui, alors ne vous trompez pas sur le sens, parce que c'est un petit peu piège. Souvent, on a l'impression que le plus donne au moins. Mais sauf que la réalité, la charge électrique dans les molécules, à l'extérieur des molécules, elle est portée par les électrons. Donc ce sont bien des doublets d'électrons qui vont se déplacer. Donc c'est bien, la flèche part bien d'un doublet d'électrons, du site riche en électrons, vers le site accepteur qui est pauvre en électrons. Oui, bonjour. Bonjour. C'était pour savoir justement comment on sait si un site est riche ou pauvre en électrons. J'ai pas très bien compris. Alors, Marie-Lise Béoutis. Oui, alors, un site qui est riche en électrons, il y a trois possibilités. Donc, soit c'est un site qui est chargé négativement, donc il a une charge négative, ce qui évidemment indique qu'il est riche en électrons. Soit c'est un atome qui porte un doublet non liant. Donc, on peut avoir par exemple l'exemple de l'atome d'oxygène qui a un doublet non liant, l'atome d'azote qui a un doublet non liant. Donc, évidemment, c'est un doublet composé de deux électrons, donc l'atome est riche en électrons. Ou enfin, dernière possibilité, peut-être un blabla plus difficile, vous avez sans doute entendu parler de l'électronégativité des atomes. C'est la capacité des atomes à attirer vers eux les électrons d'une liaison. Lorsque un atome est très électronégatif, alors il va pouvoir être un atome donneur d'électrons. Listen up, y'all. Voilà une version un peu particulière de Blurred Lines de Robin Sieg, puisque c'est une version où on vous explique sur ce morceau la chiralité des molécules. Vous irez regarder sur Twitter. Oh. Scientifique du bac sur France Culture tout au long de la semaine. On révise aujourd'hui la chimie avec Marie-Lise Béoutis, qui est professeure agrégée au lycée Le Corbusier à Poissy et membre du bureau de l'Union des professeurs de physique et de chimie d'Île-de-France, et avec Freddy Main, qui est professeur agrégé au lycée Galilée de Gennevilliers et au Palais de la Découverte. Le tout en public du studio 106 de la Maison de la Radio, avec les classes de Terminale S du lycée Notre-Dame à Sannois et du lycée Jacques Prévert de Boulogne-Billancourt. Maintenant que vous avez absolument tout compris à la chiralité et à la stéréoisométrie, eh bien, on va passer aux exercices pratiques avec un premier exercice sur la synthèse asymétrique dans l'industrie chimique. Alors là aussi, on va vous mettre des documents sur Twitter pour que vous puissiez visualiser certains éléments graphiques de ce problème du bac. Je vais vous lire le premier document. Le voilà, une molécule et son image dans un miroir ne sont pas superposables, ce sont deux structures distinctes. Souvent, une seule de ces structures moléculaires image présente un intérêt thérapeutique. C'est par exemple le cas des acides aminés chiraux, dont nous parlions tout à l'heure, dont une seule des molécules image intéresse l'industrie pharmaceutique. Synthétiser cette molécule avec un minimum de sous-produits est donc un enjeu important. Une synthèse est dite asymétrique si elle conduit à l'obtention majoritaire d'une des deux molécules image. Voilà la synthèse asymétrique, cette définition qui est le document 1. Deuxième document, résultats expérimentaux d'une réaction d'hydrogénation, là aussi on l'évoquait tout à l'heure, la transformation d'une liaison double C du réactif en liaison simple s'effectue grâce à l'action de dihydrogène et d'un catalyseur, c'est l'hydrogénation. Cette réaction fournit deux espèces chimiques, notées A et B, qui diffèrent par leur structure spatiale. On a un schéma justement de ce mécanisme d'hydrogénation. Et ensuite, un petit tableau qui explique que les pourcentages des espèces A et B du produit obtenu après hydrogénation de la double liaison diffèrent selon le caractère chiral ou non du catalyseur. En présence d'un catalyseur chiral, on a l'espèce A à 73%, l'espèce B à 27%. En présence d'un catalyseur non chiral, la A à 50% et la B à 50%. Voilà pour les deux documents. Première question, les molécules A et B du produit obtenu après hydrogénation contiennent-elles des atomes de carbone asymétriques? Sont-elles chirales? Un mot plus général sur ces deux documents, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Comment est-ce qu'il faut les traiter? Quand ces documents arrivent sur ma table d'épreuve, d'examen, qu'est-ce que je fais de ces documents? D'abord Freddy Mink, et puis ensuite on répondra aux questions. Oui, c'est très important, parce que souvent les étudiants se perdent à lire les documents, puis ensuite ils lisent les questions, et ensuite ils reviennent sur le document, parce qu'ils n'ont rien noté dessus. Je pense que tout de suite, avoir un stylo quand on lit les documents, pour souligner les mots importants, ça nous permettra de gagner du temps. Je pense que, là encore, une des compétences attendues au niveau du baccalauréat, c'est de s'approprier l'information. Elle est là, l'information. Il faut simplement la noter, la comprendre. Et puis, une fois qu'elle est notée, dès la première lecture, à ce moment-là, je dirais que la réponse aux questions sera beaucoup plus rapide. Marie-Lise Béoutis, qu'est-ce qu'on fait de ces deux documents quand on les a sur notre table du bac? Oui, alors même chose, même si ça peut être un petit peu contre-intuitif, moi je conseille parfois de commencer par lire les questions. Pourquoi? Parce que vous êtes un randonneur, vous allez entreprendre une randonnée difficile, au moins par exemple 3 quarts d'heure sur un exercice de chimie du baccalauréat. Il faut avoir une stratégie. Donc ça, il peut être bon parfois de commencer par regarder ce qu'on va vous demander, histoire de savoir quels sont les points que vous résoudrez facilement, les points qui demandent plus de difficultés, les points qui vont devoir faire appel justement à des documents parce que vous ne connaissez pas la réponse. Pour pouvoir ensuite lire les documents, bien sûr, il faut tout lire des documents, mais les lire avec un œil éclairé en sachant déjà ce que vous recherchez. Alors, par exemple, sur ces deux documents, prenons le document 1. Quels sont les points qui vous paraissent importants, Freddy Minck, pour commencer? Alors, il y a dans ce document des choses que les étudiants doivent savoir, c'est-à-dire que quand ils vont lire le début du document, on est en train là de rappeler la notion de chiralité. Il parle du fait que la molécule soit non superposable à son image. Donc ça, c'est des choses qui sont rappelées. L'étudiant le lit, mais c'est déjà ce qu'il en est. Le fait qu'une des deux molécules ait un intérêt thérapeutique alors que l'autre n'en a pas. Et puis arrive une notion un peu plus complexe, c'est la notion, je dirais, de synthèse asymétrique, avec l'idée que si vous fabriquez un mélange de deux énantiomères avec autant des deux, eh bien vous n'avez privilégié aucun des deux. Et donc, comme il n'y en a qu'un seul qui vous intéresse, vous avez perdu la moitié. Donc, il y a des déchets, il y a ce qu'on appelle des sous-produits. Et ça, d'un point de vue du développement durable, d'un point de vue de la chimie verte, eh ben, c'est plein d'atomes de carbone qui sont perdus. Donc, l'idée maintenant, c'est d'arriver à fabriquer uniquement, et avec le plus fort pourcentage, la molécule qui nous intéresse. Et c'est ça l'induction asymétrique, c'est ça la synthèse asymétrique. Ça, c'était pour le document 1. Vous vouliez rajouter quelque chose, Marie-Lise Béoutis, sur les éléments importants qui vous paraissent importants dans ce document-là, dans cette première partie? Oui, alors quand on lit ce document, clairement, c'est important en lisant les documents de se rappeler des parties du programme qu'il va falloir mettre en œuvre. Hein, comme ça, tout de suite, les formules, les idées reviennent en place. Donc, ne sont pas superposables tout de suite. On voit que ça va faire appel à la stéréoisomérie et plus particulièrement à la question d'énantiomère, puisqu'on parle d'image par un miroir plan. Et ensuite, on parle de synthèse, d'industrie pharmaceutique. Donc là, on va bien voir que c'est la question du produit principal qui va être mise en jeu. Et également la question du rendement, parce qu'à partir du moment où on a une synthèse industrielle, on veut produire le plus efficacement possible la molécule voulue. Et sur le document 2, sur la documentation, je rappelle, il y a un tableau qui montre la production en présence ou non d'un catalyseur chiral ou non chiral. Et puis, surtout, il y a un processus d'hydrogénation qui est décrit avec la transformation d'une molécule. Marie-Lise Béoutis, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce deuxième document? Alors, dans le document 2, on voit qu'on part d'une liaison double, carbone-carbone. Donc, vous vous rappelez que dans une liaison double, chaque carbone va avoir uniquement 3 substituants, donc ne sera pas chiral. Donc, ce sera un carbone qui ne sera pas asymétrique. Et puis, on va passer à un carbone qui aura 4 substituants, donc qui est potentiellement chiral. Donc là, tout de suite, une lumière s'allume et on va penser aux énantiomères et à la chiralité. Ce qui nous amène donc aux questions. Première question, les molécules A et B du produit obtenu après hydrogénation contiennent-elles des atomes de carbone asymétriques? Sont-elles chirales? On vient de répondre à cette question. Peut-être une précision, Freddy Minck? C'est en lien avec la question qui a été posée par l'un d'entre vous. En effet, ces deux molécules possèdent un seul carbone asymétrique. Donc comme on l'a dit, un seul carbone asymétrique, ces molécules sont nécessairement chirales. Oui, donc le jour du baccalauréat face à une question de ce type, qui n'est pas une question très difficile, une question classique, faites bien attention à soigner la réponse pour avoir tous les points. Donc, je vous conseille d'une part de repérer le carbone asymétrique par une astérisque sur chaque carbone, et puis de bien justifier dans votre réponse que le carbone comporte 4 substituants différents, vous pouvez les nommer, et qu'il n'y a dans cette molécule qu'un seul carbone asymétrique, il est donc chiral. Deuxième question, comparer les résultats expérimentaux de l'hydrogénation en présence de catalyseurs chiral ou non chiral à partir des données de l'ensemble des documents, justifier l'intérêt de l'utilisation d'un catalyseur chiral dans la réaction d'hydrogénation. Marie-Lise Béoutis, là aussi c'est la question du rendement qui est au centre. Oui, exactement, c'est la question du rendement. Et là, tout de suite, on va regarder le tableau. Donc, on va regarder le tableau et on observe que, en présence d'un catalyseur différent, on obtient des résultats différents. Donc, je rappelle que le catalyseur, c'est vraiment indispensable dans une réaction chimique et ça peut totalement l'orienter. Donc, en présence d'un catalyseur non chiral, on observe que les espèces A et B sont formées en quantité identique. En revanche, en présence d'un catalyseur chiral, on va former en majorité l'une des deux espèces. Donc, tout de suite, on pense au mot asymétrique, puisqu'on a des résultats, effectivement, qui sont asymétriques en présence du catalyseur chiral. Freddy Minck, du coup, comment est-ce qu'on traite cette question? Comment est-ce qu'on la rédige? Quelles sont les parties du document qu'il faut utiliser? Je pense qu'il faut à chaque fois se référer au document, bien expliquer que d'après le tableau, on s'aperçoit qu'en présence d'un catalyseur qui n'est pas chiral, eh bien, on forme autant d'espèces A que d'espèces B. On peut comprendre ça d'une manière très très simple, c'est que si le catalyseur n'est pas chiral, eh bien, il va ni favoriser la formation de l'une, ni l'autre des deux molécules qui sont énantiomères. En revanche, si le catalyseur a une géométrie particulière, eh bien, il va induire préférentiellement l'addition sur un endroit plutôt qu'un autre, et donc il va y avoir une induction asymétrique, et forcément, l'espèce A, ici, eh bien, sera majoritaire à l'espèce B. L'industriel a intérêt à faire en sorte que le pourcentage de A soit le plus proche possible de 100%. À ce moment-là, eh bien, il n'y aura aucune perte. C'est une réponse strictement argumentée. Est-ce qu'on a besoin de recourir à des schémas pour préciser cette réponse ou pas du tout, Marie-Louise? Alors, dans cette question 2, non, ça ne me semble pas indispensable. Dans la question 1, le schéma était plus bien volontiers bien accueilli. Quel type de schéma? Un schéma de la molécule avec la représentation de Cram et en soignant particulièrement la représentation de l'atome de carbone asymétrique. Donc avec une astérix sur le petit c. Oui. Dernière question de cet exercice. Justifier que la réaction d'hydrogénation en présence de catalyseur chiral constitue une synthèse asymétrique. Freddy Minck. Eh bien, le fait, et là on va se référer, c'est important de citer les documents. Si on regarde le document 1, la définition est donnée. Donc vous voyez, l'information est dans le texte, ça c'est très très important d'aller la chercher. Une synthèse est dite asymétrique si elle conduit à l'obtention majoritaire d'une des deux molécules images. Donc vous argumentez en disant, on observe que l'espèce A est présente à 73% tandis que l'espèce B est à 27%. Donc A est majoritaire, il y a donc bien, d'après la définition du document 1, une synthèse asymétrique. Marie-Lise Béoutis. Oui, je crois que Freddy a très bien répondu à la question. Donc on disait tout à l'heure que 50-50, aucune forme n'est privilégiée. Donc on peut dire qu'on a une répartition symétrique des produits. Donc on aura ce qu'on appelle un mélange racémique. Et en revanche, avec le catalyseur chiral, l'espèce A est majoritaire. Donc la synthèse est bien asymétrique. Voilà un exemple d'exercice et d'exercice périlleux de résolution d'un exercice du bac de chimie en direct à la radio. On va passer peut-être à des questions d'ordre plus général sur les révisions, sur d'autres points qui peuvent bloquer en chimie, sur la façon dont on doit aborder eh bien, cette épreuve du bac de physique-chimie. Il y a 129, 34 millions d'années. La méthode scientifique. Plutonium 244, 160 millions d'années. Nicolas Martin. Uranium 238, 9 milliards d'années. On poursuit donc on conclut cette session de révision de l'épreuve de physique-chimie par peut-être quelques points plus génériques de méthodologie. Et on va avoir, je pense, un certain nombre de questions des classes de terminale S des lycées Notre-Dame à Sannois et Jacques Prévert à Boulogne-Billancourt. Quels sont vos conseils? Mettons par exemple que, sur cette épreuve de physique-chimie, c'est vrai que la chimie me pose un peu plus de problèmes, je suis moins familier avec la chimie. Est-ce que ça veut dire que je peux avoir confiance dans mes capacités extraordinaires en physique et laisser la chimie de côté, ou est-ce qu'il faut quand même que j'essaie de grappiller quelques points, Freddy Minck? Non, ça ce serait vraiment une mauvaise stratégie de ne travailler que la chimie et de laisser de côté la physique ou l'inverse. Il faut travailler les deux domaines. Et par contre, ce que je conseille, c'est que forcément, vous n'avez pas, je dirais, selon l'année, la même affinité pour les deux domaines. Et donc, il est possible que ce soit la chimie que vous préfériez. À ce moment-là, je vous invite à commencer par un exercice de chimie, histoire de prendre confiance sur votre sujet. La communication, on va en parler, c'est vraiment un point, une compétence qui est essentielle. Il faut que vous ayez une copie qui soit lisible, il faut que vous preniez le soin de bien rédiger, avec très peu de fautes d'orthographe, avec des phrases qui sont construites. Il y a énormément de points qui sont donnés à la communication, et donc quand vous démarrez votre copie, eh bien pensez bien au correcteur et pensez bien au fait que la communication est valorisée. Marie-Lise Béoutis, comment aborder ces révisions de chimie? Comment aborder l'épreuve? Comment faire en sorte, si on bloque sur certains points de ce programme, pour essayer de dépasser ces blocages? Alors, c'est une vaste question. Premièrement, je conseille de ne surtout pas faire d'impasse. Hein. Alors, les théories de c'est tombé l'an dernier, ça ne tombera pas, c'est à la mode, c'est pas à la mode. Sachez que les sujets sont préparés longtemps à l'avance. Il peut y avoir des sujets de dépannage, d'urgence, si un sujet comporte un problème lors de sa réalisation. Donc, on ne peut pas faire de pronostic. Hein. Même nous, les professeurs, nous n'en savons rien. Il faut tout réviser. Il faut miser sur la sécurité. Peut-être peut-on préciser aussi qu'il y a de plus en plus de sujets qui mélangent un peu la physique et la chimie et que faire l'impasse sur l'un des deux, c'est prendre le risque de ne pas pouvoir du tout traiter un sujet complet. Bien sûr, les sujets sont transversaux. Même là, vous voyez, il y a pas mal de liens sur des sujets, en particulier en termes de chiralité, en lien avec la biologie. Donc, moi, je dirais que déjà, l'information est dans le texte. Vous avez beaucoup de documents sur vos exercices. On est au départ sur une contextualisation. Donc, si déjà l'étudiant sait extraire l'information, c'est bien lire un texte, c'est trouver l'information là où elle est, eh bien déjà, c'est, je dirais, un bon début pour l'exercice. Ensuite, il faut des connaissances. Il faut que vous ayez travaillé des notions. Vous pouvez pas tout découvrir. Faut pas penser que juste en lisant les documents, vous allez pouvoir résoudre les exercices. Donc, il vous faut des connaissances. Mais le point essentiel, hein, le point de démarrage, c'est une bonne lecture du document. Je crois qu'il y a quelque chose qu'on peut répéter, que vous avez mentionné en début d'émission, c'est que quand bien même on se rend compte au brouillon qu'on n'arrive pas au bon résultat, il est toujours important, malgré tout, de montrer qu'on a eu un raisonnement scientifique, de recopier ce raisonnement scientifique et de même si on aboutit à une erreur et qu'on a conscience de cette erreur, Marie-Lise Béotis. Oui, bien sûr, je vois parfois des élèves qui, sur une copie, vont tout barrer ou mettre du blanc. Mais quel dommage, vous avez passé un quart d'heure, une demi-heure à élaborer un raisonnement. Peut-être que le résultat est faux, mais tout n'est pas faux. Généralement, il y a au moins une formule de correcte ou alors un raisonnement logique qui est correct. Donc le correcteur pourra lui-même juger si oui ou non il veut vous mettre des points. Dans tous les cas, sauf si ce que vous avez écrit est absolument scandaleux, mais ça, vous ne pouvez pas en juger. Dans tous les cas, vous avez intérêt à laisser votre calcul en indiquant avec une phrase que le résultat est aberrant, si c'est le cas, ce qui montre au correcteur que vous avez un regard critique sur votre travail. Et le correcteur lui-même pourra juger si oui ou non il y a des points à prendre dans cet exercice. Des questions, je crois. Qui veut commencer? Oui, allez-y, mademoiselle. Bonjour. Oui, bonjour. En fait, c'était pour savoir, quand je suis dans un exercice de chimie et que je dois établir une équation de réaction chimique, comment est-ce que je sais quelle flèche mettre entre les réactifs et les produits? C'est-à-dire mettre une flèche simple, une flèche double, ou alors un égal, ou enfin, comment je fais pour savoir? Alors, c'est le problème de ces équations d'équilibrage en chimie. Oui, alors donc la question entre la flèche simple et la flèche double, c'est la différence entre une réaction totale ou un équilibre chimique, d'accord ? Donc une réaction totale, elle se poursuit jusqu'à épuisement du réactif limitant. Hein, donc c'est une réaction qui se déroule, si vous voulez, dans un seul sens, c'est-à-dire du sens de la gauche vers la droite. En revanche, un équilibre chimique, et on prend l'exemple par exemple de la réaction d'un acide faible avec l'eau, hein, pour former sa base conjuguée. C'est un équilibre chimique, c'est une réaction qui se déroule en permanence dans les deux sens. Hein? Donc l'acide réagit avec l'eau, mais sa base conjuguée réagit également pour former l'acide en retour. Donc en permanence, il y a un échange entre ces différentes formes. C'est dans ce cas-là qu'il faut mettre une flèche double. Mais comment discriminer qu'il s'agit de l'un ou de l'autre sur une équation chimique, Freddy Mink? Alors, souvent, hein, là, par exemple, si vous prenez l'exercice, souvent la flèche est déjà écrite. Hein, donc, il arrive parfois qu'on fasse un égal. Le égal, c'était un bilan de matière. Historiquement, on mettait des signes égales. Après, il y a eu la nuance entre la flèche simple et la flèche double. Très franchement, lorsque vous avez des réactions qui sont des réactions dites totales, dont vous connaissez la constante d'équilibre, le fameux grand K, et lorsque cette constante est supérieure à 10 000, à 10 puissance 4, eh bien la réaction est dite totale et vous pouvez faire une flèche simple si vous devez l'écrire. Après, lorsque vous avez des équilibres, en particulier des équilibres d'estérification en chimie organique, eh bien vous mettez la double flèche. Si je devais vous donner un conseil, par sécurité, si vraiment vous avez un doute, vous mettez une double flèche. Une autre question, mademoiselle, bonjour. Bonjour. Alors moi, c'est au niveau des ECE. Si on fait une erreur de manipulation, est-ce qu'on doit recommencer au risque de ne pas finir ou poursuivre avec des résultats faux? Alors, qui veut répondre? Marie-Lise Béotis? Oui. Alors, normalement, aux ECE, vous n'êtes pas seul. C'est-à-dire que vous avez un examinateur qui vous juge, qui va juger à la fois votre travail écrit, mais aussi votre travail expérimental, et avec lequel vous interagissez. Au cours des ECE, il est toujours possible de demander de l'aide à un examinateur, puisqu'il y a des aides partielles qui sont prévues par l'épreuve et dans le programme. Donc, l'examinateur va vous apporter éventuellement une aide lorsque vous en avez besoin à chaque étape. Normalement, c'est lui qui va, si jamais vous avez perdu trop de temps sur une manipulation et que vous arrivez à des résultats qui ne sont pas exploitables, c'est lui qui normalement va vous inviter à passer à la partie suivante ou à vous donner la solution totale. C'est une question concernant la structure de nos réponses. Quelles sont les exigences en termes de rédaction ? Alors, ça c'est toujours une grande question. Les exigences en termes de rédaction, ce qui est une question qui revient souvent dans les matières scientifiques, notamment physique, chimie, en mathématiques, mais en l'occurrence pour l'épreuve de chimie, quelles sont les exigences en termes de rédaction, Freddy Mac? Bah, si on se réfère, je dirais, au document officiel, c'est un document qui est publié par l'inspection générale, il y a la compétence communiquer. Vous, quand vous parlez de rédaction, c'est bien de la communication. Si on s'en réfère au texte, eh bien, on voit qu'il faut rédiger une explication, une réponse, une argumentation, une synthèse, décrire une observation, et on attend de vous de décrire clairement la démarche suivie, d'argumenter sur les choix ou la stratégie, de présenter les résultats en utilisant un mode de représentation approprié. Autrement dit, vous avez, je dirais, un cadre qui est évaluable et sur lequel, eh bien, je vous ai dit déjà les fautes d'orthographe, la clarté sur laquelle il faut être lisible. Et puis, bien évidemment, dès l'instant où vous avez des schémas, il faut que vos atomes soient bien représentés. Vous avez compris aussi que quand les groupements sont devant ou derrière, eh bien, on n'a plus du tout les mêmes propriétés chimiques. Donc, il faut absolument que leur représentation de Cramer soit maîtrisée. Mais sur la rédaction à proprement parler, c'est-à-dire finalement sur la quantité d'explications qu'il faut donner, plus ou moins, est-ce que les équations suffisent? Il y a souvent un doute autour, effectivement, de la quantité d'explications qu'il faut donner, de la quantité de mots qu'il faut écrire précisément pour expliquer son raisonnement. Alors, la rédaction scientifique, c'est très difficile, hein. C'est aussi difficile qu'une rédaction en français. Alors, on a des exigences différentes. Donc, évidemment, il faut écrire dans un français correct. Ce sera toujours valorisé de ne pas trop faire de fautes d'orthographe. Inutile d'utiliser des tournures compliquées. Le but n'est pas d'avoir une phrase jolie alambiquée. Ce qu'il faut surtout, c'est utiliser le vocabulaire adéquat, faire des phrases simples. Et je conseille toujours de justifier, même par exemple, si vous écrivez une équation, d'avoir une phrase qui indique l'équation de la réaction acide-base est la suivante, 2 points, et vous indiquez l'équation, ça montre au correcteur que vous avez mis un minimum de soin à votre copie. Une autre question. Bonjour. Dans le cas d'une question ouverte, avez-vous un conseil si on ne sait pas par où commencer? Alors, dans le cadre d'une question ouverte, par où commencer? C'est-à-dire quand on a du mal à comprendre, je pense que c'est ça le sens de votre question, jeune homme, hein, quand on a du mal à comprendre finalement ce que la question sous-tend, ce qu'on attend de vous, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors quand on est perdu en fait, hein, je pense que c'est un peu ça la question, oui. Quand on ne comprend pas ce qu'on demande. Lorsque vous avez une question ouverte, il est sûr que bien évidemment il faut arriver à analyser la question, à analyser la problématique, ça fait partie des compétences. Derrière cette question ouverte, il faut que vous ayez forcément des connaissances, il faut qu'il y ait du bagage, parce que contrairement à une situation où vous pouvez avoir un certain nombre de documents, où l'information est dans le document, il peut y avoir des questions ouvertes qui font appel, je dirais, à vos connaissances de l'année. Donc, c'est pour ça aussi, Marie-Lise le disait bien, il faut que vous arriviez le jour du baccalauréat en ayant révisé toutes les notions, et vous verrez que cette question ouverte va forcément s'appuyer sur des choses que vous avez vues dans l'année. On est sur un examen, le baccalauréat, avec un programme qui est bien fini, des compétences exigibles, c'est-à-dire que vous êtes sur un format où il n'y aura pas de surprise. Donc quelqu'un qui a travaillé, il trouvera dans le sujet des choses en lien avec son travail de l'année. Marie-Lise Béoutis. Alors une question ouverte, souvent elle peut se décomposer en sous-problèmes. Donc si vous avez des documents, il peut arriver que vous n'ayez aucune stratégie globale pour répondre à la question, ça arrive, et parfois c'est le cas aussi au début, les choses peuvent se débloquer par la suite. Ce que je conseille, si vous ne pouvez pas développer une stratégie globale pour répondre à la question, commencez par traiter l'un des sous-problèmes. Par exemple, vous avez un document avec une courbe, vous pouvez calculer une tension électrique, faites-le en indiquant ce que vous faites et l'unité, et puis peut-être que finalement vous pourrez être récompensé de quelques points ou demi-points pour ce sous-problème. Et en ayant résolu plusieurs sous-problèmes, petit à petit, une image claire va se former dans votre esprit et la stratégie peut arriver à votre esprit. Je crois qu'on a encore une question, puis je voudrais qu'on passe le micro à Cyril Laplagne, qui est professeur de physique chimie, parce que je voulais lui demander quels sont les problèmes qu'il rencontre dans sa classe ou auprès de ses étudiants qui lui semblent importants de réviser. Oui, mademoiselle, une question. Oui, bonjour. Donc, quelles sont les chances d'avoir une synthèse de documents? Et si oui, aussi, sur quel chapitre ça pourrait plutôt tomber? Alors, une synthèse de documents, est-ce que vous nous rappelez ce que c'est? Est-ce qu'il y a une chance que ça tombe, Marie-Lise Béoutis? Oui, donc une synthèse de documents, c'est une épreuve qui consiste à exploiter différents documents. Donc, ça peut être des graphiques, des textes, des formules, tout type de documents pour répondre à une question, à une problématique. C'est un exercice qui est difficile, qui nécessite également d'apporter des connaissances, évidemment, parce qu'on ne peut pas comprendre des documents si on n'a pas la culture scientifique nécessaire. Alors, quelle chance a-t-on de l'avoir on ne peut pas dire, c'est difficile, hein, tout est possible dans un sujet de baccalauréat, mais cet entraînement, la préparation à la synthèse de documents, peut-être que c'est pour, disons, 20 ou 30% un entraînement à la rédaction. Ça, vous pouvez le faire avec, sur, disons, 4 ou 5 exemples de synthèse différents. Et pour le reste, ce qui va être exigé dans ce type d'exercice, ce sera toujours énormément de rigueur que vous développez également tout au long de votre préparation et des connaissances et des compétences scientifiques. Donc, lorsque vous révisez le baccalauréat, vous vous préparez aussi à la synthèse de documents. Pour finir, on arrive quasiment à la fin de cette émission. Je voulais interroger Cyril Laplaine. À votre avis, quels sont les points qui coincent ou sur lesquels il faudrait, dans ces dernières semaines avant les épreuves, concentrer ces révisions, selon vous, dans votre expérience avec vos classes et vos lycéens? Alors, bonjour. Bonjour. Donc, selon moi, pour pouvoir préparer au mieux cette épreuve, il y a d'abord l'entraînement, c'est-à-dire... faire des exercices, les corriger soi-même, s'auto-corriger, s'auto-noter, faire le prof, c'est-à-dire que on fait son exercice comme si on était en contrôle, et puis on prend la correction, et là on joue le rôle du prof, on se corrige, on voit voilà ce qu'on a mal fait, ce qu'on a bien fait. Tout ça, en fait, va permettre de gagner une certaine confiance en soi, ce qui est très important pour cette période un peu stressante, voilà, pour les élèves de terminale, entre les ECE qui sont des épreuves expérimentales et toutes les épreuves écrites, pour diminuer le stress, moi, à mon avis, je pense que l'entraînement peut aider justement à avoir cet apport de confiance en soi. Se tester soi-même, hein, en termes de pédagogie, ça a toujours fait ses preuves. Un mot peut-être là-dessus. Effectivement, faire des annales, ça marche. Faire des exercices, s'autocorriger, ça fonctionne. Même si, évidemment, ça n'est pas sur la partie du programme qui tombe le jour de l'épreuve. En tout cas, ça permet effectivement, comme vient de le dire Cyril Laplaine, de gagner confiance en soi et de mieux réviser, de mieux intégrer. Oui, donc il faut... Alors, attention, il faut la quantité, mais également la qualité. C'est-à-dire que n'ayez pas non plus pour but de faire 25 exercices que vous allez survoler. Parfois, il vaut mieux faire 5 ou 10 exercices que vous allez approfondir et surtout que vous avez bien compris, plutôt qu'un grand nombre d'exercices que vous allez oublier. Si vous avez résolu et appris des exercices types, le jour du bac, vous vous sentirez en sécurité face à des exercices qui ressemblent aux exercices types. Merci beaucoup à vous deux. Merci Marie-Lise Béotis, merci Freddy Minck, merci Cyril Laplagne, merci Laurie Braguier et les classes de terminale S du lycée Notre-Dame à Sannois et du lycée Jacques Prévert de Boulogne-Billancourt. Je vous rappelle qu'on poursuit tout au long de la semaine, en tout cas jusqu'à demain jeudi, ces révisions du bac sur France Culture, histoire le matin, philosophie également, et puis l'après-midi, économie, littérature et sciences. C'est encore jusqu'à demain. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Antoine Beauchamp, Eve-Étienne, Céline Lozen, Sarah Hijemans, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Elisabeth Miro à la réalisation et à la technique, Willy Bardinet, Célia Dufour, Guillaume Ledu et Jean-Benoît Tétu. La suite de vos aventures sur France Culture, dans un instant, c'est le troisième épisode de la série documentaire de la semaine Homme, Animal, une frontière fragile, une série signée Michel Berganti et Manu Chaque Fachaï. Tout à l'heure, du grain à moudre, que reste-t-il de mai 68 après le journal de 18h? Ce sera comme chaque jour avec Hervé Gardette. Et puis pour ce qui nous concerne, eh bien demain, dernier jour de révision, on termine par la physique et on bachotera le thème ondes et particules. Si vous avez d'ailleurs des questions, vous pouvez nous les poser dès aujourd'hui sur Twitter, @lamethodefc ou à notre mail, lamethode@radiofrance.com. Voilà, on se retrouve demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.